Bismillahir Rahmanir Rahim. Nous allons voir celui qui insulte Allah ou son messager ou l'islam. Ibn Taymiyyah rapporte dans son ouvrage As-Sarir al-Masloul, page 513. Mohammed ibn Sahnoun, l'un des imams de la doctrine de Malik, à une époque proche de ce groupe, a dit: Les savants sont unanimes que celui qui insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou le rabaisse, c'est un mécréant. Et la menace d'Allah se réalisera sur lui ainsi que le supplice. Quant à son verdict, d'après la communauté, c'est la mort. Et quiconque doute de sa mécréance ou de son châtiment est mécréant lui-même. Apprenez que celui qui insulte Allah ou la religion ou le messager est un mécréant apostat. Qu'il fasse cela pour s'amuser ou de manière sérieuse. Qu'il considère cela licite ou non, de même qu'il fasse cela dans un état de colère ou de tranquillité. Et son sang ainsi que ses biens sont licites. Qu'il soit musulman ou qu'il soit démis, ou protégé par un contrat, qu'il soit un homme ou une femme, et les preuves de ceci sont nombreuses. Première preuve. Allah dit, ceux qui injurient Allah et son messager, Allah les maudit ici-bas, comme dans l'au-delà, et leur prépare un châtiment avilissant. Sourate 33, verset 57. Petit 1. L'indication sur la mécréance de l'insulteur dans les versets ci-dessus. Une des indications sur la mécréance de l'insulteur et que le Très-Haut a dit, Allah les maudit ici-bas comme dans l'au-delà. La malédiction signifie le retrait de la miséricorde, et celui qu'Allah a banni de sa miséricorde dans l'ici-bas et dans l'au-delà ne peut être que mécréant. Nous précisons que ceci est différent de la malédiction lancée par le prophète ou les croyants sous forme d'invocation contre quelqu'un dans l'ici-bas, comme par exemple lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'Allah maudisse celui qui prend de l'usure et celui qui le donne, et qu'Allah maudisse le voleur. La seconde indication est qu'Allah a mentionné châtiment avilissant. La mention du châtiment avilissant dans le Coran n'est renvoyée que pour évoquer le sort des mécréants. Allah dit, nous avons préparé un châtiment avilissant pour les mécréants. Sourate An-Nisa, verset 37. Et il dit aussi, car un châtiment avilissant attend les infidèles. Sourate 2, verset 90. Quant aux croyants fautifs, Allah emploie l'adjectif énorme, ainsi que d'autres termes, mais ne mentionne pas qu'il leur réservera le châtiment avilissant. Et ceci car il a dit, et quiconque Allah avilit n'a personne pour l'honorer. Sourate 22, verset 18. L'avilissement signifie l'humiliation, le dénigrement et la honte. Et Allah est susceptible d'augmenter le châtiment qui ne convient qu'aux mécréants. Quant aux croyants pécheurs, ils sont châtiés mais pas avilis. La troisième indication dans ce verset est que le châtiment avilissant a été soigneusement préparé pour les mécréants. Allah leur prépare un châtiment avilissant. En effet, l'enfer a été créé comme refuge pour eux, et ils ne pourront ni en bouger ni en sortir. Allah dit, et craignez le feu préparé pour les mécréants. Sourate 3, verset 131. Quant aux pécheurs parmi les croyants, il leur est possible de ne pas y entrer si Allah leur pardonne. Et s'ils y rentrent, ils en sortiront après un certain temps, par leur tawahid et leur islam. Petit 2. Quant à l'indication du verset sur le fait de le tuer. Comme indication sur le fait de le tuer, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, telle que l'a rapporté Al-Bukhari et d'autres. Qui s'occupera de Ka'b ibn al-Ashraf? Il a offensé Allah et son prophète. Ce Ka'b était un juif sous contrat, qui s'est mis à insulter les musulmans et leur religion. Le prophète a considéré l'insulte de celui-ci comme une offense envers Allah et son prophète, et a alors chargé quelqu'un de le tuer. Ainsi, il a permis l'exécution du mécréant sous contrat, s'il insulte Allah ou le prophète ou la religion des musulmans. Sachant que le démis ou celui sous contrat a des droits que d'autres n'ont pas parmi les mécréants, que dire alors du mécréant qui n'est pas sous contrat? Et si la sécurité et l'immunité du mécréant sous contrat sont annulées par l'insulte et l'injure de la religion de l'islam, alors de la même manière la sécurité et l'immunité du musulman sont rompues par les mêmes actes. L'indication sur le fait de tuer l'insulteur est la parole d'Allah. Allah les maudit ici-bas comme dans l'au-delà. Or Allah dit à propos des maudits où qu'on les trouve, ils seront pris et tués impitoyablement. Sourate 33, verset 61. Il nous apprend donc que leur exécution est permise. Ceci est l'explication donnée par Ibn Taymiyyah. Seconde preuve. La parole d'Allah, ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète, et ne haussez pas le ton en lui parlant, comme vous le haussez les uns avec les autres, sinon vos œuvres deviendraient vaines, sans que vous vous en rendiez compte. Sourate 49, verset 2. L'indication que l'insulteur est mécréant dans ce verset est que le fait d'avoir toutes les œuvres rendues vaines est une particularité des mécréants. Allah dit « Et ceux qui parmi vous qui abjureront leur religion et mourront infidèles, vaines seront pour eux leurs actions. » Sourate 2, verset 217. Et il dit « Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine. » Sourate 39, verset 65. Nous précisons qu'il ne faut pas confondre avec l'annulation d'un acte d'adoration précis, qui peut être arrêté à cause de l'absence d'une condition de validité ou autre. Donc, si le fait de lever la voix au-dessus de la voix du prophète, sans mauvaise intention, ni sentiment, fait craindre aux compagnons que leurs œuvres deviennent vaines, et ne soient donc autre chose qu'un annulatif parmi les annulatifs de l'islam, que dire alors du fait d'insulter le prophète, ou d'insulter la religion provenant d'Allah, ou d'insulter Allah lui-même ? Point de doute que le coupable d'une telle action voit ses œuvres s'annuler d'un plus haut niveau encore, et qu'il est mécréant apostat s'il était à l'origine musulman. Ainsi seront son contrat ou son statut de dhimmi, et s'en va l'immunité de son sang et de ses biens. L'imam Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbal a dit « J'ai questionné mon père à propos d'un homme en colère qui dit à un autre « Ô fils de ci et ça, toi et celui qui t'a créé. » Il a dit « Cette personne a apostasié de l'islam. » J'ai demandé « Faut-il lui trancher la tête ?» Il a répondu « Oui, il faut lui trancher la tête. » Masail al-Imam Ahmed, page 431. La troisième preuve est la parole d'Allah. Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement « Vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. » Dis, est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquez ? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Si nous pardonnons à une partie des vôtres, nous en châtirons une autre pour avoir été des criminels. Sourate 9, versets 65-66. Ce verset montre que le fait de se moquer d'Allah ou d'une chose de la religion ou du prophète est une mécréance et une apostasie après la foi. Ce verset a été révélé en raison d'un groupe qui, revenu du djihad avec le prophète, se mirent à se moquer d'entre les sahaba. Lorsque fut révélé ce verset, ils s'excusèrent en disant « Nous ne faisions que bavarder histoire de passer le temps. En d'autres termes, nous ne faisions que plaisanter et jouer et nous n'avions pas pour but de mécroire, nous ne pensions pas ce que nous disions. » Remarquez qu'Allah ne leur a pas dit « Vous avez menti ». Plutôt vous pensiez ce que vous disiez, mais il leur a dit « Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi. » Sous-entendu, par cette action-ci, vous avez mécru, même si elle n'a pas été faite par conviction du cœur. Ceci est donc une preuve que celui qui se moque d'Allah ou de la religion ou du prophète est mécréant, qu'il ait fait cela pour plaisanter ou de manière sérieuse, et qu'il pensait à la gravité de cette insulte ou non. Que dire alors du fait d'insulter qui est pire encore ? Il y a dans cela une réfutation pour les têtes des Mourjia qui pensent que la mécréance ne se manifeste que dans la croyance ou dans le fait de légiférer la chose ou dans le reniement, etc. Et si on demande pourquoi le prophète ne les a pas fait exécuter à partir du moment où ils ont mécru et apostasié par cette parole-là, nous disons, le Shir al-Islam Ibn Taymiyyah a répondu cela d'une manière semblable. Ils se sont retranchés derrière le repentir, comme c'est notifié dans les causes de la révélation, et cela est apparent dans sa parole. Si nous pardonnons à une partie des vôtres, nous en châtirons une autre pour avoir été des criminels. Donc, celui qui s'est repenti d'un repentir sincère, Allah lui a pardonné, et celui qui s'est repenti hypocritement et par crainte du véritable commandement, a été protégé par cela dans l'ici-bas, et dans l'ici-bas uniquement. Quant au jour du jugement, sa destinée sera la destinée des hypocrites. Et ceci est la raison pour laquelle le prophète les a laissés, et ne les a pas tous exécutés. Cet avis a également été défendu par l'imam Ibn Hazm. Quatrième preuve. Nous avons évoqué l'histoire du juif, Ka'b ibn al-Ashraf, que le prophète avait promis de ne pas aider les mécréants contre lui et de ne pas le combattre. Mais lorsqu'il a insulté le prophète affreusement, le messager d'Allah a dit, comme mentionné dans le hadith, agréé par tous, « Qui s'occupera de Ka'b ibn al-Ashraf ? Il a offensé Allah et son prophète. » Alors Mohammed ibn Maslama s'est levé et a dit « Moi, ô messager d'Allah, aimerais-tu que je le tue ?» Il répondit « Oui », jusqu'à la fin du hadith où est racontée l'histoire de son assassinat. Et ceci était un meurtre sans combat d'une armée ni bataille, rapporté par Bukhari et Muslim. Ce juif était sous contrat, donc protégé dans sa personne et ses biens. Et malgré cela, lorsqu'il a insulté le prophète, son pacte qui spécifiait sa sécurité et son immunité s'est rompu et il a été tué. Et ce récit a été utilisé par l'imam Shafi'i pour dire que l'ennemi qui insulte le prophète peut être tué, et que son alliance de protection de sécurité est rompue. Le dhimmi est le mécréant qui paye le tribut à l'État islamique, qui se soumet à ses lois, qui respecte la religion des musulmans et ne prône pas son shirk ou son kufr entre eux. Il mérite donc plus d'être tué que celui qui n'a même pas de pacte, ni le statut de dhimmi et qui insulte Allah ou son prophète ou la religion des musulmans. Et il en va de même pour celui qui est à l'origine musulman, s'il insulte, car si le mécréant sous contrat, juif ou chrétien ou autre, est exécuté s'il insulte notre religion ou prophète, alors qu'il ne croit même pas en notre prophète ou notre religion, plutôt il croit en leur fausseté et ne les suit pas, alors celui qui se réclame de l'islam, et qui sait que l'islam est la vérité, et qui témoigne qu'Allah est son seigneur et patron, et que Mohammed est le messager d'Allah, puis qui insulte Allah ou sa religion de vérité ou son prophète, l'élu Mohammed, est pire que celui-ci. Cinquième preuve. Ce qui a été rapporté par Al-Shahabi, d'après Ali, à propos d'une juive qui a injurié le prophète, et qui était insolente à son égard. Alors un homme l'a étranglée jusqu'à ce qu'elle meure, et le prophète a laissé faire et n'a pas réclamé le prix du sang, rapporté par Abu Daoud et d'autres. Shir al-Islam a dit « Ce hadith est bon, et Al-Shahabi a vu Ali et l'a rapporté de lui. Et même s'il y avait un intermédiaire, Al-Shahabi est considéré par les savants comme quelqu'un de véridique dans ses rapports et ne lui connaissent de mursal sans qu'il ne soit authentique. Et il est parmi les plus savantes personnes dans les récits provenant de Ali et parmi ses plus grands compagnons. Et ce hadith est renforcé par le récit d'Ibn al-Abbas. » Fin de citation. Et Ibn Taymiyyah dit « Ce hadith est une indication sur la permission de tuer une femme qui injurie le prophète et une preuve sur le fait de tuer le dhimmi et de tuer le musulman ou la musulmane s'il insulte. De plus, cette femme était dépositaire d'une trêve, puisque le prophète a dirigé Médine et qu'il a appelé l'ensemble des juifs et ceux qui y résidaient. Ils ont co-signé inconditionnellement et il n'a pas appliqué sur eux la jizya. » Fin de citation. Et il est connu que la femme mécréante est, chez les musulmans, protégée du fait d'être tuée de par son statut de femme, et ce même si elle n'est pas dhimmi ou sous contrat, parce que le prophète a interdit le meurtre des femmes durant la bataille, du moins de celles qui ne sont pas des guerrières combattantes. On apprend ainsi que celles qui insultent Allah ou sa religion ou son prophète, ou qui les injurient, ont le statut de la combattante qui fait la guerre à la religion d'Allah. Et cela est également une preuve pour la seconde question concernant la permissivité de tuer celui qui insulte Allah ou sa religion ou son messager pour un musulman isolé. Si le dirigeant manque à appliquer sur la population islamique le jugement révélé par le Tout Miséricordieux, ou que le gouvernement est aux mains des têtes de la mécréance, parmi ceux qui ne se soucient pas du jugement d'Allah ou offensent le Tout Miséricordieux, eh bien on a dans ce hadith l'exemple d'un homme qui a tué cette femme de lui-même, sans revenir demander l'autorisation au prophète. Lorsque le prophète a entendu parler de l'affaire, il ne lui a pas reproché le meurtre de cette femme, et n'a pas ordonné de verser le prix du sang. Il n'a pas dit non plus que ceci était réservé aux dirigeants et de son ressort, et il ne l'a pas considéré comme un munkar, ni n'a réprimandé celui qui l'a fait, plutôt il l'a approuvé et a laissé verser son sang. Et le shir al-Islam a justifié cela en disant « Et ceci car il est obligatoire de le tuer dans le sens où il complote contre la religion et la pervertit, et ce n'est donc pas comparable au fait de tuer à cause du péché d'adultère ou autre. » Fin de citation. Il y a donc en cela une différence entre l'application des peines légales des désobéissants pour le reste des péchés et entre la peine légale de celui qui lance des propos injurieux au Seigneur des mondes ou sa religion ou sur le prophète de tous les musulmans. Donc, pour le fait de tuer celui qui insulte Allah, s'il s'agit d'une peine parmi les peines légales, elle est comparable au fait de tuer un combattant qui fait la guerre aux musulmans. Or, celui qu'il est nécessaire de tuer, il est permis à tout le monde de le tuer. Règle de jurisprudence énoncée par Ibn Taymiyyah, page 268 du livre précité. Le cheikh al-Islam a dit dans le même sujet « Il y a beaucoup de choses dites sur le fait de tuer l'insulteur sans l'accord préalable de l'imam, et ceci est en règle générale un droit réservé à l'imam, le dirigeant. Cependant, l'imam doit gracier celui qui a appliqué une sentence obligatoire sans son consentement préalable. » Fin de citation. Ceci est un droit réservé lorsqu'il y a présence de l'imam appliquant sur la population islamique le jugement par la charia du tout miséricordieux. Par contre, s'il n'y a pas de tel imam et que le gouverneur fait partie des têtes de la mécréance qui pousse les gens à adorer sa propre législation de mécréance, alors il n'y a pas dans cela une violation du droit d'un musulman, mais il y a plutôt une violation du droit du tarout mécréant. Et ceci est une application pratique du désaveu de leur personne, ainsi que du reniement de leur loi forgée. Que soit donc facilité cela et béni soit celui qui viole ce droit du tarout. Conséquences. Comme le sang du critiqueur de la religion d'Allah, ou de l'insulteur d'Allah ou du prophète est permis, sa sentence est celle relative au sang de celui qui combat les musulmans, qu'il soit homme ou femme, et peu importe que fût sa religion et sa doctrine. De la même manière, pour la sentence relative à son argent, il appartient à celui qui le tue parmi les musulmans. Le prophète, dans un hadith que rapporte Bukhari dans son Sahih, a dit « Celui qui tue un combattant obtient sa dépouille. » Les mots « celui qui tue un combattant » signifient « parmi les mécréants combattants » et le mot « dépouille » signifie « tout ce qui se trouve avec le mécréant lorsqu'il l'a tué comme monture, habit, chamelle de bonne race, arme ou argent. » Le prophète n'a pas voulu dire « ceci est restreint aux situations de combat dans la bataille » parce que le texte est général. Donc ceci est permis qu'il l'ait tué durant la bataille ou qu'il l'ait tué après l'avoir ligoté ou par ruse. L'exemple est à prendre dans le sens général du texte, et il ne convient pas de le restreindre à la cause. Ibn Hazm a répondu à cela dans son Mahala et a ôté les doutes de celui qui a embelli la modification de cette généralité. Question 955, chapitre 7, page 336. Al-Bukhari, dans son Sahih, rapporte un hadith de Salama ibn Aqwa qui confirme cela. Arriva auprès du prophète un œil parmi les mushrikines, c'est-à-dire un espion ou agent travaillant à la solde des kofars, combattant la religion d'Allah et des musulmans. Il s'assit auprès de ses compagnons qui discutaient, puis changea de place. Le prophète dit alors, « Sollicitez-le et tuez-le. » Salama dit, « Alors je l'ai tué. » Le prophète distribua ensuite ses dépouilles. Voir Fath al-Majid, chapitre 6, page 168. Ceci pour montrer qu'un compagnon a tué quelqu'un et a pris ses dépouilles, après l'avoir suivi jusqu'à ce qu'il fasse baraquer sa chamelle, sans que ce soit dans un contexte de bataille, ni une guerre, comme cela est affirmé chez d'autres rapporteurs qu'Al-Bukhari. Apprenez donc que ceci est parmi les meilleurs gains, car c'est le butin qu'Allah a rendu licite pour cette Ummah, contrairement au reste des communautés, et notre prophète n'était ni forgeron ni menuisier, mais il était un combattant, et son salaire et son gagne-pain provenaient de là, comme le mentionne le hadith, « Mon risque, fortune, vivre, a été placé à l'ombre de ma lance », rapporté par Ahmed et Ibn Majah. La généralité du premier récit confirme absolument ce verdict, même si le dirigeant musulman est absent. Le prouve également ce que fit Abu Basir quand il s'infiltra dans la caravane des Quraysh et leurs troupes de voyageurs. En effet, Abu Basir n'était pas entré avec le consentement officiel de l'État islamique et ne pouvait même pas faire cela en vertu des clauses présentes dans le pacte qui a été conclu entre le prophète et les mécréants de Quraysh. Pour preuve, les Quraysh ne demandèrent pas au prophète de verser le prix du sang de l'ouvrier qu'a tué Abu Basir, ni ne l'ont responsabilisé de ce qu'il a pillé de leur caravane et troupes de voyageurs. En fait, leur relation avec le prophète était celle de mécréants sous contrat. Mais par rapport à Abu Basir, ils étaient des mécréants combattants, car il était toujours pourchassé par eux, puisqu'ils ont tenté de le capturer et de le tuer. Et en rapport avec cette histoire, on a dans le Sahih d'Al-Bukhari un résumé englobant l'histoire du pacte de Hudaybiyah. Vous la trouverez dans le chapitre des conditions sous l'intitulé « Conditions du djihad et des accords avec les ennemis » dans le chapitre 5 d'Al-Bukhari, page 329. Dans cette histoire-ci, il y a un autre intérêt majeur. Le fait qu'il y a ici une règle importante qu'il faut observer dans de telles situations, c'est qu'il ne s'en est pas suivi de préjudice à autre que lui parmi les musulmans. Donc ce qu'a fait Abu Basir n'a pas été imputé au prophète et ses compagnons et n'a pas porté préjudice au groupe des musulmans. Pour cela, il faut analyser la balance des intérêts et celle des dégâts islamiques, voir les choix du moment et les opportunités présentes, et s'il faut vraiment avoir recours à un escadron ainsi qu'à la ruse et tout autre moyen légiférer avec les mécréants qui nous combattent, le mot wahid à notre époque est une marchandise précieuse et un objet rare. On ne doit pas permettre son effusion de sang en échange du sang d'un seul port. Il convient donc d'être avare pour ce qui est plus grave et qui est une plus grande exaction chez les ennemis. Dans la biographie de l'élu, on voit que sa considération augmentait dans ce genre de questions. Et celui qui est affaibli dans pareil cas, il ne lui est pas permis de s'asseoir, ni de manger, ni d'être souriant en face de l'insulteur. Plutôt, il est obligatoire de le désapprouver par la langue, s'il ne peut pas le faire par la main. Et s'il est affaibli dans sa langue, il doit faire apparaître la colère sur son visage, blêmir de rage pour l'affliger et qu'il s'éloigne de son assemblée par peur de devenir comme lui. Car Allah dit, dans le livre, il vous a déjà révélé ceci. Lorsque vous entendez qu'on renie les versets, le Coran, d'Allah, et qu'on s'enraille, ne vous asseyez point avec cela jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation. Sinon, vous serez comme eux. Allah rassemblera certes les hypocrites et les mécréants, tous dans l'enfer. Sourate 4, verset 140.